Chapitre 18e, Mirabeau. Gilbert vit que c'était une lutte à soutenir, mais il était préparé. Mirabeau, répéta-t-il. Oui, sire, Mirabeau. Le roi se retourna vers le portrait de Charles Ier. Qu'eusses-tu répondu, Charles Stuart ? Demanda-t-il à la poétique toile de Brandick, si au moment où tu sentais trembler la terre sous tes pieds, on t'eût proposé de t'appuyer sur Cromwell ? Charles Stuart eut refusé et eut bien fait, dit Gilbert. Car il n'y a aucune ressemblance entre Cromwell et Mirabeau. « Je ne sais pas comment vous envisagez les choses, docteur, » dit le roi, « mais pour moi, il n'y a pas de degré dans la trahison. Un traître est un traître, et je ne sais pas faire de différence entre qu'il est un peu et qu'il est beaucoup. » « Sire, » dit Gilbert avec un profond respect, mais en même temps avec une invincible fermeté, « ni Cromwell ni Mirabeau ne sont des traîtres. »« Et que sont-ils donc ?» s'écria le roi. Cromwell est un sujet rebelle et Mirabeau un gentilhomme mécontent. Mécontent de quoi ? De tout, de son père, qui l'a fait enfermer au château d'If et au donjon de Vincennes, des tribunaux qui l'ont condamné à mort, du roi qui a méconnu son génie et qui le méconnaît encore. Le génie de l'homme politique, monsieur Gilbert, dit vivement le roi, c'est l'honnêteté. La réponse est belle, sire, digne de Titus, de Trajan ou de Marc Aurèle. Malheureusement, l'expérience est là, qui lui donne tort. Comment cela ? Est-ce un honnête homme qu'Auguste, qui partageait le monde avec Lépide et Antoine, et qui exilait Lépide et tuait Antoine pour avoir le monde à lui tout seul ? Était-ce un honnête homme que Charlemagne, qui envoyait son frère Carloman mourir dans un cloître, et qui, pour en finir avec son ennemi Bitikind, presque aussi grand que lui, faisait couper toutes les têtes de Saxons qui dépassaient la hauteur de son épée ? Était-ce un honnête homme que Louis XI qui se révoltait contre son père pour le détrôner et qui, quoi qu'il échouât, inspirait au pauvre Charles VII une telle terreur que, de peur d'être empoisonné, il se laissait mourir de faim ? Était-ce un honnête homme que Richelieu qui faisait, dans les alcôves du Louvre et dans les escaliers du palais cardinal, des conspirations qu'il dénouait sur la place de Grève ? Était-ce un honnête homme que Mazarin qui signait un pacte avec le protecteur et qui, non seulement, refusait un 500 000 hommes à Charles II, mais encore le chassait de France. Était-ce un honnête homme que Colbert, qui trahissait, accusait, renversait Fouquet, son protecteur, et qui, tandis qu'on jetait celui-ci vivant dans un cachot dont il ne devait sortir que cadavre, s'asseyait impudemment et superbement dans son fauteuil chaud encore ? Et cependant, ni les uns ni les autres, Dieu merci, n'ont fait de tort au roi ni à la royauté. Mais, monsieur Gilbert, vous savez bien que M. de Mirabeau ne peut être à moi, puisqu'il est à M. le duc d'Orléans. Et, sire, puisque le duc d'Orléans est exilé, M. de Mirabeau n'est plus à personne. Comment voulez-vous que je me fie un homme à vendre ? En l'achetant. Ne pouvez-vous pas lui donner plus que qui que ce soit au monde ? Un insatiable qui demandera 1 000 000. Si Mirabeau se vend pour 1 000 000, sire, il se donnera. Croyez-vous qu'il vaille 2 000 000 de moins qu'une Polignac ? M. Gilbert. Le roi me retire la parole. Dit Gilbert en s'inclinant, je me tais. Non, au contraire, parlez. J'ai parlé, sire. Alors discutons. Je ne demande pas mieux. Je sais mon Mirabeau par cœur, sire. Vous êtes son ami. Je n'ai malheureusement point cet honneur-là. D'ailleurs, monsieur de Mirabeau n'a qu'un seul ami qui est en même temps celui de la reine. Oui, monsieur le comte de Lamarque, je sais cela. Nous le lui reprochons assez tous les jours. Votre Majesté, au contraire, devrait lui défendre, sous peine de mort, de jamais se brouiller avec lui. Et de quelle importance voulez-vous, monsieur, que soit dans le poids des affaires publiques un gentilhomme comme M. Riquetti de Mirabeau ? D'abord, sire, permettez-moi de vous dire que M. de Mirabeau est un gentilhomme et non pas un gentilhâtre. Il y a peu de gentilshommes en France qui datent du XIe siècle, puisque, pour en avoir encore quelques-uns autour d'eux, nos rois ont eu l'indulgence de n'exiger de ceux à qui ils accordent l'honneur de monter dans leur carrosse que des preuves de 1399. Non, sire, on n'est pas un gentilhâtre quand on descend des Arghetti de Florence, qu'on est venu, à la suite d'une défaite du parti Gibelin, s'établir en Provence. On n'est pas un gentilhâtre parce qu'on a eu un aïeul commerçant à Marseille, car vous savez, sire, que la noblesse de Marseille, comme celle de Venise, a le privilège de ne point déroger en faisant du commerce. Un débauché, interrompit le roi, un bourreau de réputation, un gouffre d'argent. Ah, sire, il faut prendre les hommes comme la nature les a faits. Les Mirabeau ont toujours été orageux et désordonnés dans leur jeunesse, mais ils mûrissent en vieillissant. Jeunes gens, ils sont malheureusement tels que le dit votre majesté. Devenus chefs de famille, ils sont impérieux, hautains, mais austères. Le roi qui les méconnaîtrait serait ingrat, car ils ont fourni à l'armée de terre d'intrépides soldats, à l'armée de mer des marins audacieux. Je sais bien que dans leur esprit provincial haineux de toute centralisation, je sais bien que dans leur opposition semi-féodale et semi-républicaine, ils bravaient du haut de leur donjon l'autorité des ministres, parfois même celle des rois. Je sais bien qu'ils ont plus d'une fois jeté dans l'indurance des agents du fisc qui voulaient opérer sur leurs terres. Je sais bien qu'ils confondaient dans un même dédain, qu'ils couvraient d'un mépris égal les courtisans et les commis, les fermiers généraux et les lettrés, n'estimant que deux choses au monde, le fer de l'épée et le fer de la charrue. Je sais bien que l'un d'eux a écrit que le baletage est instinct aux gens de cour à visage et à cœur de plâtre, comme le barbotage au canard. Mais tout cela, sire, ne sent pas le moins du monde son gentillâtre. Tout cela, au contraire, n'est peut-être pas de la plus honnête morale, mais est à coup sûr de la plus haute gentilhommerie. « Allons, allons, monsieur Gilbert, » dit avec une espèce de dépit le roi, qui croyait mieux connaître que personne les hommes considérables de son royaume. « Allons, vous l'avez dit. Vous savez vos Mirabeau par cœur. Pour moi qui ne les sais pas, continuez. Avant de se servir des gens, on aime à les apprendre. »« Oui, sire, » reprit Gilbert, aiguillonné par l'espèce d'ironie qu'il découvrait dans l'intonation avec laquelle le roi lui parlait. « Et je dirais à votre majesté, c'était un Mirabeau, ce Bruno de Riquetti qui, le jour où monsieur de la Feuillade inaugurait, sur la place de la Victoire, sa statue de la Victoire, avec ses quatre nations enchaînées, passant avec son régiment, le régiment des gardes, sire, sur le pont neuf, s'arrêta et fit arrêter son régiment devant la statue de Henri IV et dit en ôtant son chapeau « Mes amis, saluons celui-ci, car celui-ci en vaut bien un autre. » C'était un Mirabeau, ce Français de Riquetti qui, à l'âge de 17 ans, revient de Malte, trouve sa mère Anne de Pontèvre en deuil et lui demande pourquoi ce deuil, puisque depuis 10 ans son père est mort. « Parce que j'étais insulté, » répond la mère. « Par qui, madame ?»« Par le chevalier de Criasque. »« Et vous ne vous êtes pas vengé ?» demande François, qui connaissait sa mère. « J'en ai eu bonne envie. Un jour, je l'ai trouvé seul. Je lui appliquai un pistolet chargé contre la tempe et je lui ai dit « Si j'étais seul, je te brûlerais la cervelle, comme tu vois que je puis le faire. Mais j'ai un fils qui me vengera plus honorablement. »« Vous avez bien fait, ma mère, » répond le jeune homme, et sans se déboter, il reprend son chapeau, resseint son épée, va trouver le chevalier de Griasque, un spadassin, un bretailleur, le provoque, s'enferme avec lui dans un jardin, jette les clés par-dessus les murs et le tue. C'était un Mirabeau, ce marquis Jean-Antoine, qui avait 6 pieds, la beauté d'Antinouis, la force de Milon, à qui cependant sa grand-mère disait dans son patois provençal « Vous n'êtes plus des hommes, vous êtes des diminutifs d'hommes », et qui, élevé par cette Virago, avait, comme l'a dit depuis son petit-fils, le ressort et l'appétit de l'impossible, qui, mousquetaire à 18 ans, toujours au feu, aimant le danger avec passion, comme d'autres aiment le plaisir, commandait une légion d'hommes terribles, acharnés, indomptables comme lui, si bien que les autres soldats disaient en les voyant passer « Vois-tu ces parements rouges ? Ce sont des Mirabeaux, c'est-à-dire une légion de diables commandée par Satan. » Et il se trompait sur le commandant en l'appelant Satan, car c'était un homme fort pieux, si pieux qu'un jour, le feu ayant pris dans un de ses bois, au lieu de donner des ordres pour qu'on essaie de l'éteindre par les moyens ordinaires, il fit porter le Saint-Sacrement, et le feu s'éteignit. Il est vrai que cette piété était celle d'un vrai baron féodal, et que le capitaine trouvait parfois moyen de tirer le dévot d'un grand embarras, comme il lui arrivait un jour que des déserteurs qu'il voulait faire fusiller s'étaient réfugiés dans l'église d'un couvent italien. Il ordonna à ses hommes d'enfoncer les portes. Ils allaient obéir quand les portes s'ouvrirent d'elles-mêmes et quand l'abbé apparut sur le seuil, in pontificalibus, le Saint-Sacrement entre les mains. « Eh bien ?» demanda Louis XVI, évidemment captivé par ce récit plein de verve et de couleurs. « Eh bien ?» Il demeura un instant pensif, car la position était embarrassante. Puis, illuminé d'une idée subite, « Dauphin !» dit-il à son guidon, « qu'on appelle l'aumônier du régiment et qu'il vienne retirer le bon Dieu des mains de ce drôle-là. » Ce qui fut pieusement fait par l'aumônier du régiment, sire, appuyé des mousquets de ces diables à parements rouges. « En effet, » dit Louis XVI, « oui, je me rappelle, ce marquis Antoine. N'était-ce pas lui qui disait au lieutenant-général Chamillard, qui, après une affaire où il s'était distingué, promettait de parler de lui à Chamillard le ministre ? Monsieur, votre frère est bien heureux de vous avoir, car sans vous, il sera l'homme le plus sot du royaume. Oui, sire, aussi fit-on une promotion de maréchaux de camp où le ministre Chamillard se garda bien de mettre le nom du marquis. Et comment finit ce héros qui me paraît le condé de la race des Riquetis ? Demanda en riant le roi. Sire, qui a belle vie, a belle mort, répondit gravement Gilbert. Chargé, à la bataille de Cassano, de défendre un pont attaqué par des impériaux, il avait, suivant son habitude, fait coucher ses soldats ventre à terre, et lui, géant, se tenait debout, s'offrant comme un point de mire au feu de l'ennemi. Il en résulta que les balles commencèrent à siffler autour de lui comme grêle, mais il ne bougeait pas plus qu'un poteau à indiquer le chemin. Une de ses balles lui cassa le bras d'abord, mais ce n'était rien que cela, vous comprenez, sire. Il prit son mouchoir, mit son bras en écharpe, et saisit de sa main gauche une hache, son arme ordinaire, méprisant le sabre et l'épée, comme pourtant de trop petits coups. Mais à peine avait-il accompli cette manœuvre qu'un second coup de fût, l'atteignant la gorge, lui coupa la jugulaire et les nerfs du cou. Cette fois, c'était plus grave. Cependant, malgré l'horrible blessure, le colosse resta debout. Puis, étouffé par le sang, il s'abattit sur le pont comme un arbre qu'on déracine. À cette vue, le régiment se décourage et s'enfuit. Avec son chef, il venait de perdre son âme. Un vieux sergent, qui espère qu'il n'est pas tout à fait mort, lui jette en passant une marmite sur le visage, et à la suite de son régiment, toute l'armée du prince Eugène, cavalerie et infanterie, lui passe sur le corps. La bataille finie, il s'agit d'enterrer les cadavres. Le magnifique habit du marquis fait qu'on le remarque. Un de ses soldats le reconnaît. Le prince Eugène, voyant qu'il souffle, plutôt qu'il râle encore, ordonne de le reporter au camp du duc de Vendôme. L'ordre est exécuté. On dépose le corps du marquis sous la tente du prince, où se trouve par hasard le fameux chirurgien Dumoulin. C'était un homme plein de fantaisie. Il lui prend celle de rappeler ce cadavre à la vie. La cure le tente d'autant plus qu'elle paraît impossible. Outre cette blessure, qui, sauf l'épine dorsale et quelques lambeaux de chair, lui séparait à peu près la tête des épaules, tout son corps, sur lequel 3 000 chevaux et 6 000 fantassins avaient passé, n'était qu'une plaie. Pendant 3 jours, on doute qu'il reprendra la même connaissance. Au bout de 3 jours, il ouvre un œil. 2 jours après, il remue un bras. Enfin, il seconde l'acharnement de Dumoulin d'un acharnement égal, et après 3 mois, on voit reparaître le marquis Jean-Antoine avec un bras cassé, enveloppé d'une écharpe noire, 27 blessures éparpillées sur tout son corps, 5 de plus que César, la tête soutenue par un collier d'argent. Sa première visite fut pour Versailles, où le conduisit monsieur le duc de Vendôme, et où il fut présenté au roi, qui lui demanda comment, ayant fait preuve d'un tel courage, il n'était pas encore maréchal de camp. « Sire, répondit le marquis Antoine, si au lieu de rester à défendre le pont de Cassano, j'étais venu à la cour payer quelques coquines, j'aurais eu mon avancement et moins de blessures. » Ce n'était pas ainsi que Louis XIV aimait qu'on lui répondît. Aussi tourna-t-il les talons au marquis. « Jean-Antoine, mon ami, lui dit en sortant M. de Vendôme, désormais je te présenterai à l'ennemi, mais jamais au roi. » Quelques mois après, le marquis, avec ses 27 blessures, son bras cassé, son collier d'argent, épousa Mademoiselle de Castellane-Norante, à laquelle il fit 7 enfants, entre 7 nouvelles campagnes. Parfois, mais rarement, comme les vrais braves, il parlait de cette fameuse affaire de Cassano, et quand il en parlait, il avait l'habitude de dire « C'est la bataille où je fus tué. » « Vous me dites bien, reprit Louis XVI, qui s'amusait visiblement à cette énumération des ancêtres de Maribaud, « vous me dites bien, mon cher docteur, comment le marquis Jean-Antoine fut tué, mais vous ne me dites pas comment il est mort. » « Il est mort dans le donjon de Mirabeau, à près de retraite, situé sur un roc escarpé, barrant une double gorge, sans cesse battu du vent du nord. Il est mort avec cette écorce impérieuse et rude qui se fait sur la peau des Riquetis, au fur et à mesure qu'ils vieillissent, élevant ses enfants dans la soumission et le respect, et les tenant à une telle distance que l'aîné de ses fils disait « Je n'ai jamais eu l'honneur de toucher ni de la main ni des lèvres la chair de cet homme respectable. » Cet aîné, sire, c'était le père du Mirabeau actuel, oiseau hagard, dont le nid fut fait entre 4 tourelles, qui n'avait jamais voulu s'enversailler, comme il dit, ce qui fait sans doute que votre majesté, ne le connaissant pas, ne lui rend pas justice. « Si fait, monsieur, dit le roi, si fait, je le connais au contraire. C'est un des chefs de l'école économiste. Il a eu sa part dans la révolution qui s'accomplit, en donnant le signal des réformes sociales, et en popularisant beaucoup d'erreurs et quelques vérités. Ce qui est d'autant plus coupable de sa part, qu'il prévoyait la situation, lui qui a dit « Il n'est aujourd'hui ventre de femme qui ne porte un Hartveld ou un Masaniello. » Il ne se trompait pas, et le ventre de la sienne n'a porté pire que tout cela. « Sire, s'il y a dans Mirabeau quelque chose qui répugne à votre majesté ou qui l'effraie, laissez-moi lui dire que c'est le despotisme personnel et le despotisme royal qui ont fait cela. » « Le despotisme royal ?» s'écria Louis XVI. « Sans doute, sire, sans le roi, le père ne pouvait rien. Car enfin, quel crime si grave avait donc commis le descendant de cette grande race pour qu'à 14 ans son père l'envoyât dans une école de correction où on l'inscrit pour l'humilier non pas sous son nom de Riquetier de Mirabeau, mais sous le nom de Buffière. Qu'avait-il fait pour qu'à 18 ans son père obtînt une lettre de cachet contre lui et l'enfermât dans l'île de Ré ? Qu'avait-il fait pour qu'à 20 ans il l'envoyât dans les rangs d'un bataillon disciplinaire, faire la guerre en Corse, avec cette prédiction de son père ? Il s'embarquera le 16 avril prochain, sur la plaine qui se sillonne toute seule. Dieu veuille qu'il n'y rame pas un jour. Qu'avait-il fait pour qu'au bout d'un an de mariage, son père l'exila à Manosque ? Qu'avait-il fait pour qu'au bout de 6 mois d'exil à Manosque, son père le fît transférer au fort de Joux ? Qu'avait-il fait enfin pour être, après son évasion, arrêté à Amsterdam et enfermé dans le donjon de Vincennes où, pour tout espace, à lui qui étouffe dans le monde, la clémence paternelle, réunie à la clémence royale, lui donne un cachot de 10 pieds carrés où 5 ans s'agite sa jeunesse, rugit sa passion, mais où en même temps s'agrandit son esprit et se fortifie son cœur. Ce qu'il avait fait, je vais le dire à votre majesté, il avait séduit son professeur Poisson par sa facilité à tout apprendre et à tout comprendre. Il avait mordu de travers à la science économique. Il avait, ayant pris la carrière militaire, désir de la continuer. Il avait réduit à 6 000 livres de rente, lui, sa femme et un enfant, fait pour 30 000 francs de dette. Il avait rompu son banc de Manosque pour venir bâtonner un insolent gentilhomme qui avait insulté sa sœur. Il avait, enfin, et c'est là son plus grand crime, sire, cédant aux séductions d'une jeune et jolie femme, enlevé cette femme, un vieux mari caduc, morose et jaloux. « Oui, monsieur, pour l'abandonner ensuite, dit le roi, de sorte que la malheureuse madame de Monnier, restée seule avec son crime, se donna la mort. » Gilbert leva les yeux au ciel et poussa un soupir. « Voyons, dites, qu'avez-vous à répondre à cela, monsieur, et comment défendrez-vous votre Mirabeau ?»« Par la vérité, sire, par la vérité qui pénètre si difficilement jusqu'au roi, que vous qui l'a cherché, qui l'a demandé, qui l'appelez, vous l'ignorez presque toujours. » « Non, madame de Monnier, sire n'est point morte de l'abandon de Mirabeau, car en sortant de Vincennes, la première visite de Mirabeau est pour elle. Il entre, déguisé en colporteur, dans le couvent de Gien, où elle était demandée un asile. Il trouve Sophie froide, contrainte. Une explication a lieu. Mirabeau s'aperçoit que non seulement madame de Monnier ne l'aime plus, mais encore qu'elle en aime un autre, le chevalier de Raucourt. Cet autre, devenu libre par la mort de son mari, elle va l'épouser. » Mirabeau est sorti trop tôt de prison. On comptait sur sa captivité, il faudra se contenter de tuer son honneur. Mirabeau cède la place à son heureux rival. Mirabeau se retire. Madame de Monnier va épouser M. de Raucourt. M. de Raucourt meurt subitement. Elle avait mis la pauvre créature, tout son cœur et toute sa vie dans ce dernier amour. Il y a un mois, le 9 septembre, elle s'enferme dans son cabinet et s'asphyxie. Alors, les ennemis de Mirabeau de crier qu'elle meurt de l'abandon de son premier amant, quand elle meurt d'amour pour un second. Oh, l'histoire, l'histoire. Voilà cependant comment on l'écrit. Ah, dit le roi, c'est donc pour cela qu'il a reçu cette nouvelle avec une si grande indifférence. Comme il l'a reçue, je puis encore dire cela à votre majesté, sire, car je connais celui qui l'a lui annoncé. C'est un des membres de l'assemblée. Interrogez-le lui-même. Il n'osera pas mentir, car c'est un prêtre. C'est le curé de Gien, l'abbé Ballet. Il siège sur les bancs opposés à ceux où siège Mirabeau. Il traversa la salle, et au grand étonnement du comte, il vint s'asseoir près de lui. « Que diable faites-vous ici ? » lui demanda Mirabeau. Sans répondre, l'abbé Ballet lui remit la lettre qui annonçait dans tous ses détails la fatale nouvelle. Il l'ouvrit et fut longtemps à la lire, car sans doute il ne pouvait pas y croire. Puis il la relut une seconde fois. Et pendant cette seconde lecture, son visage pâlissait, se décomposait de temps en temps. Il passait ses mains sur son front, s'essuyant les yeux du même coup, toussant, crachant, essayant de redevenir maître de lui-même. Enfin, il lui fallut céder. Il se leva, sortit précipitamment, et de 3 jours ne parut pas à l'assemblée. « Oh, sire, sire, pardonnez-moi d'entrer dans tous ces détails, mais il suffit d'être un homme de génie ordinaire pour être calomnié en tout point et sur toute chose, à plus forte raison, quand un homme de génie est un géant. Pourquoi donc en est-il ainsi, docteur? Et quel intérêt a-t-on près de moi à calomnier monsieur de Mirabeau? L'intérêt qu'on a, sire. L'intérêt qu'a toute médiocrité de garder sa place près du trône. Mirabeau n'est point de ces hommes qui puissent entrer dans le temple sans en chasser tous les vendeurs. Mirabeau près de vous, sire, c'est la mort des petites intrigues. Mirabeau près de vous, c'est l'exil des petits intrigants. C'est le génie traçant le chemin à la probité. Et que vous importe, sire, que Mirabeau ait mal vécu avec sa femme? Que vous importe que Mirabeau ait enlevé madame de Monnier? Que vous importe que Mirabeau ait un demi-million de dettes? Payez ce demi-million de dettes, sire. Ajoutez à ses 500 000 francs 1 million, 2 millions, 10 millions s'il le faut. Mirabeau est libre. Ne laissez pas échapper Mirabeau. Prenez-le, faites-en un conseiller, faites-en un ministre. Écoutez ce que vous dira sa voix puissante. Et ce qu'elle vous aura dit, redites-le à votre peuple, à l'Europe, au monde. Monsieur de Mirabeau, qui s'est fait marchand de drap à Aix pour être nommé par le peuple, monsieur de Mirabeau ne peut pas mentir à ses commettants en quittant le parti du peuple pour celui de la cour. Sire, sire, je vous le répète, vous ne connaissez pas Mirabeau. Mirabeau est un aristocrate, un noble, un royaliste avant tout. Il s'est fait lire par le peuple parce que la noblesse le dédaignait. Parce qu'il y avait dans Mirabeau ce sublime besoin d'arriver au but par quelque moyen que ce soit qui tourmente les hommes de génie. Il n'eût été nommé ni par la noblesse ni par le peuple, qu'il fût entré au Parlement comme Louis XIV, beauté et prôné, arguant du droit divin. Il ne quittera point le parti du peuple pour le parti de la cour, dites-vous. Eh, sire, pourquoi y a-t-il un parti du peuple et un parti de la cour? Pourquoi ces deux partis n'en font-ils pas un seul? Eh bien, c'est ce que Mirabeau fera, lui. Prenez Mirabeau, sire. Demain, Mirabeau, rebuté par vos dédains, se tournera peut-être contre vous, et alors, sire, alors, c'est moi qui vous le dis. Et c'est ce tableau de Charles X qui vous le dira après moi, comme il vous l'a dit avant moi. Alors, tout sera perdu. Mirabeau se tournera contre moi, dites-vous. N'est-ce pas déjà fait, monsieur? Oui, en apparence peut-être, mais au fond, Mirabeau est à vous, sire. Demandez au comte de Lamarque ce qu'il lui a dit après cette fameuse séance du 21 juin, car Mirabeau seul lit dans l'avenir avec une effrayante sagacité. Eh bien, que dit-il? Il se tord les mains de douleur, sire, et s'écrie « C'est ainsi que l'on mène les rois à l'échafaud. » Et 3 jours après, il ajoute « Ces gens ne voient pas les abîmes qu'ils creusent sous les pas de la monarchie. Le roi et la reine y périront, et le peuple battra des mains sur leurs cadavres. » Le roi frissonna, pâlit, regarda le portrait de Charles Ier, parut un instant prêt à se décider, mais, tout à coup, « Je causerai de cela avec la reine, dit-il. Peut-être se décidera-t-elle à parler à monsieur de Mirabeau. Moi, je ne lui parlerai pas. J'aime à pouvoir serrer la main des gens à qui je parle, monsieur Gilbert. Je ne voudrais pas, au prix de mon trône, de ma liberté, de ma vie, serrer la main à monsieur de Mirabeau. » Gilbert allait répliquer. Peut-être allait-il insister encore, mais en ce moment, un huissier entra. « Sire, dit-il, la personne que votre majesté doit recevoir ce matin est arrivée. Il attend dans les antichambres. » Louis XVI fit un mouvement d'inquiétude en regardant Gilbert. « Sire, dit celui-ci, si je ne dois pas voir la personne qui attend votre majesté, je passerai par une autre porte. »« Non, monsieur, dit Louis XVI, passez par celle-ci. Vous savez que je vous tiens pour mon ami et que je n'ai point de secret pour vous. D'ailleurs, la personne que j'attends est un simple gentilhomme qui a autrefois été attaché à la maison de mon frère et qui m'est recommandé par lui. C'est un fidèle serviteur et je vais voir s'il est possible de faire quelque chose, sinon pour lui, du moins pour sa femme et ses enfants. Allez, monsieur Gilbert, vous savez que vous serez toujours bienvenu à venir me voir. Quand même, vous viendrez pour me parler de M. Riqueté de Mirabeau. Sire, demanda Gilbert, dois-je donc me regarder comme complètement battu? Je vous ai dit, monsieur, que j'en parlerai à la reine, que j'y réfléchirai. Plus tard, nous verrons. Plus tard, sire. D'ici à ce moment, je prierai Dieu qu'il soit encore assez tôt. Oh! Croyez-vous donc le péril si imminent? Sire, dit Gilbert, ne faites jamais enlever de votre chambre le portrait de Charles Stuart, c'est un bon conseiller. Et s'inclinant, il sortit au moment où la personne attendue par le roi se présentait à la porte pour entrer. Gilbert ne put retenir un cri de surprise. Ce gentilhomme était le marquis de Fabra, que 8 ou 10 jours auparavant, il avait rencontré chez Cagliostro et dont celui-ci avait annoncé la mort fatale et prochaine.